Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 66e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Charles Robin. Charles, bonjour à vous. Bonjour. Charles, vous êtes essayiste, contributeur régulier des revues Rébellion, Éléments et Perspectives Libres. Vous êtes un pourfendeur de la société libérale, société dont vous faites l'analyse philosophique dans, par exemple, Penser le libéralisme, paru en 2013, ou encore La gauche du capital, paru en 2014, et paru également de vous dernièrement un nouvel ouvrage intitulé Itinéraire d'un gauchiste repenti pour un anticapitalisme intégral aux éditions Crisis, ainsi que Tous philosophes, en forme interrogative, tome 1, que, me semble-t-il, vous avez auto-édité, c'est bien ça ? C'est exact. C'est de ce dernier petit manuel de philosophie, très intéressant, dont nous allons parler aujourd'hui, chers auditeurs. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que Xavier, comme d'habitude, est à mes côtés. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour Charles, bonjour à tous. Charles Robin, avant d'aborder le cœur du sujet, la philosophie inconsciente que selon vous nous pratiquons tous quotidiennement, pouvez-vous s'il vous plaît nous dire qui vous êtes ? Quel est votre parcours ? Alors, je suis actuellement enseignant en philosophie et en français. J'ai suivi des études de philosophie à Montpellier. J'ai été pendant un temps très proche des milieux d'extrême gauche, ce que je raconte dans ce dernier livre, Itinéraire d'un gauchiste repenti, pour ensuite m'en éloigner quand j'ai fini par m'apercevoir qu'il y avait dans ce discours d'extrême gauche un certain nombre d'incohérences, de contradictions qui me paraissaient incompatibles avec l'engagement à gauche et à l'extrême gauche. Et parallèlement à cet engagement politique qui se veut modeste, puisque je n'étais finalement qu'un sympathisant, un fervent sympathisant, mais un sympathisant plus qu'un militant à l'extrême gauche, j'ai poursuivi des études de philosophie qui m'ont permis d'acquérir l'outillage conceptuel que j'estimais nécessaire pour produire une critique réellement efficace, efficiente, de la société libérale, puisque bon, je ne suis pas naïf, je sais bien que la société libérale ne m'a pas attendu pour subir ces critiques. Je ne prétends d'ailleurs rien apporter de fondamentalement nouveau, mais j'essaye de donner des outils d'analyse et des outils philosophiques qui permettent de penser la société dans laquelle nous vivons. Et ce dernier petit ouvrage, Tous philosophes, a cette ambition, modestement, de donner un certain nombre d'éléments philosophiques pour penser le monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui vous a attiré vers l'extrême gauche et de quelle organisation vous êtes-vous rapproché ? Alors, j'ai été attiré par les idées de l'extrême gauche lorsque j'étais adolescent, puisque, comme je le raconte dans mon livre, je suis issu, d'un milieu populaire. Et dans mon esprit, être issu d'un milieu populaire, ça impliquait obligatoirement un engagement à l'extrême gauche. Autrement dit, je ne me posais même pas la question, en quelque sorte. Pour moi, c'était une évidence. L'engagement à l'extrême gauche, c'était le seul moyen politique efficace pour répondre à la problématique des injustices sociales et de la condition des classes populaires. Et c'est essentiellement pour ça que j'ai rejoint ce mouvement. Avec ce que ça peut impliquer aussi de contradictions, en fin de compte, puisque l'idéologie de l'extrême gauche a un versant économique, c'est la critique du capitalisme. Elle a aussi un versant culturel et politique. Et dans ce versant culturel et politique, on retrouve essentiellement la critique du conservatisme, la critique de la pensée réactionnaire. Et contrairement à ce que l'on peut croire et nous faire croire dans les médias, les milieux populaires ne sont pas particulièrement favorables aux idées de la gauche libertaire. Au contraire, on remarque plutôt un conservatisme traditionnel au sein des classes populaires, mais qui n'est pas un conservatisme d'hostilité, qui n'est pas un conservatisme de repli, mais simplement un attachement à certaines valeurs de base qu'on pourrait résumer sous la notion de d'essence commune qui a été réactivée par Jean-Claude Michéa à la suite de George Orwell, la fameuse common decency, qui sont des valeurs de partage, d'entraide, de bienveillance réciproque et qui sont complètement évacuées du logiciel politique libéral puisqu'elles reposent sur des notions, sur des concepts qui sont eux-mêmes des concepts d'origine philosophique. Si par exemple on prend la notion de dignité humaine, eh bien on s'aperçoit que pour un libéral conséquent, authentique, la notion de dignité humaine est une absurdité puisqu'elle ne repose sur rien de factuel, elle ne repose sur rien de rationnel. C'est une notion métaphysique, c'est ce que disait déjà Jeremy Bentham au XIXe siècle. La dignité humaine, c'est une absurdité montée sur des échasses, disait-il. En ce sens, il voulait dire que tout ce corpus philosophique sur lequel on fait reposer nos valeurs morales n'a pas lieu d'être si on utilise la raison analytique. Et pourtant, toutes ces valeurs font sens dans les classes populaires, puisque à partir du moment où on vit dans des conditions d'existence matérielle qui sont un petit peu en deçà de la moyenne, eh bien ces valeurs apparaissent comme très précieuses, puisqu'elles permettent de conserver un lien communautaire. Elles permettent également de supporter les épreuves de la vie, et c'est en ce sens-là que je pense que ces valeurs doivent être défendues. Et par ailleurs, vous dites également, c'est le fil d'Ariane de vos analyses, que le libéralisme ne peut pas être conservateur, et réciproquement, le conservatisme ne peut pas être libéral. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui circule encore de nos jours, un concept, le concept de libéralisme conservateur ou de conservatisme libéral. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir authentiquement libérale et conservatrice. Ça n'est pas du tout quelque chose d'incroyable ou d'extraordinaire, mais simplement ce que je montre à la suite de Jean-Claude Michéa, c'est que le libéralisme est condamné par essence à devenir anticonservateur, puisque le libéralisme, c'est la vision du monde qui fait de l'individu le seul juge de ses droits et de sa liberté. Le libéralisme, c'est le mouvement qui entérine l'idée de souveraineté individuelle. Donc, qui fait de tous les systèmes de valeurs collectifs quelque chose qui vient empiéter la liberté de l'individu. Donc, toutes les valeurs issues de la morale, issues de la religion, qui viennent exercer une contrainte sur la liberté individuelle, le libéralisme ne peut les considérer que comme d'intolérables intrusions dans le choix privé. Le libéralisme, à l'origine, a été forgé sur le concept de neutralité axiologique, qui signifie l'absence de tout jugement de valeur sur les comportements privés. Autrement dit, on considère qu'à partir du moment où ce que vous faites n'empiète pas sur la liberté d'autrui, eh bien vous avez le droit de le faire. Et l'idée en soi ne me paraît pas choquante. L'ennui, c'est que lorsqu'il se développe dans le temps, lorsqu'il se développe historiquement, eh bien le libéralisme va faire de cette neutralité axiologique un nouveau principe moral et une espèce de loi et d'impératif catégorique. Autrement dit, l'absence de valeur devient la nouvelle valeur. Et c'est à partir de là que le libéralisme va déployer son essence originelle, qui est la destruction de toutes les valeurs collectives. Et c'est pour ça que la common decency est complètement condamnée et rejetée par le libéralisme, puisqu'elle s'oppose à cette idée du libre arbitre absolu qui fait de l'individu le seul maître, le seul titulaire de ses choix. Donc vous venez de le rappeler, le libéralisme a vocation à détruire la tradition. Et donc en ça, le libéralisme conservateur que nous vend par exemple aujourd'hui François Fillon est un oxymoron, puisque le libéralisme a vocation au progrès, puis au progrès pour le progrès, dans une fuite en avant. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les hommes politiques, on a l'impression que l'histoire s'est arrêtée au moment où ils ont décidé de placer le curseur. Aujourd'hui, on se retrouve avec des hommes politiques de droite, qui s'assument comme des libéraux sur le plan économique, mais qui, à côté de ça, vont revendiquer une sorte de conservatisme sur le plan moral et culturel. Et il est évident que ça correspond d'abord à une stratégie électorale, puisque dans une période de fuite en avant du libéralisme et de démantèlement total de toutes les valeurs collectives traditionnelles, eh bien, apporter son petit cachet conservateur, ça permet de ramener à soi un électorat qui n'a pas forcément conscience que le libéralisme est un mouvement général qui, à la fois, a un volet économique et un volet culturel. Et donc, beaucoup de personnes ne sont pas choquées par l'idée qu'on puisse être libéral sur le plan économique et antilibéral sur le plan des mœurs. Je ferai quand même une petite précision. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, le candidat démocrate, le candidat de gauche, on l'appelle le candidat libéral, puisque c'est lui qui est pour le développement et l'augmentation des libertés individuelles. Obama était un président libéral, authentiquement libéral. Aujourd'hui, en France, on a du mal à considérer qu'être libéral, ça signifie être de gauche. Mais lorsqu'un homme politique de droite a un programme économique libéral et un programme politique anti-libéral, on ne s'aperçoit pas qu'il y a une contradiction. Eh bien, cette contradiction, elle existe et on ne peut pas se masquer les yeux pour faire comme si elle n'existait pas. Autrement dit, si François Fillon se présente avec un programme économique libéral, eh bien sa politique sera une politique libérale. Bon, après on peut toujours apporter des petits aménagements locaux sur certaines mesures sociétales en se réclamant d'un esprit traditionnel, mais le fait est que la logique libérale s'accomplit, et d'une certaine manière on pourrait dire que le marché ne va pas demander son avis à François Fillon pour savoir si il doit intégrer la composante conservatrice de son discours ou s'il doit continuer sa fuite en avant. Le marché continue sa fuite en avant, il continue sa progression, il continue sa contamination de toutes les sphères de l'existence, et donc ça implique nécessairement le démantèlement toujours plus prononcé de ces valeurs traditionnelles. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, pour revenir à l'extrême gauche, l'anti-libéralisme de façade de l'extrême gauche rentre justement en contradiction avec son libertarisme. Exactement. Là encore, si on prend les personnalités politiques qui se réclament de la gauche radicale ou de l'extrême gauche, il est évident qu'elles vont porter un discours anti-libéral sur le plan économique, mais que leur défense du libéralisme culturel invalide de facto toute critique qu'elles peuvent faire du système économique, puisque le libéralisme culturel va donner les conditions de possibilité du libéralisme économique. Alors je vais essayer de rendre le propos un peu plus concret peut-être pour nos auditeurs. Je veux dire par là que le marché a besoin de créer chez les individus un rejet total des normes coercitives, des normes contraignantes qui pèsent sur la liberté, toutes les normes par exemple qui ont été imposées par la morale, la religion, la tradition, puisque toutes ces normes, elles empêchent de faire en sorte que l'individu puisse devenir un consommateur libéré. Pour qu'il puisse devenir un consommateur libéré, il faut qu'il n'y ait aucune entrave qui pèse sur sa liberté. Si vous préférez, il faut qu'il puisse exprimer intégralement son désir et le convertir en acte d'achat. L'acte d'achat, qu'est-ce que c'est ? C'est le point d'aboutissement de l'idéologie du désir. Quelqu'un qui désire, s'il ne trouve pas à satisfaire son désir de manière sublimée, comme le disait Freud, s'il ne convertit pas sa pulsion en énergie créatrice, il doit l'assouvir. Et comment peut-il l'assouvir ? Eh bien, il peut l'assouvir physiquement. Ça va créer, par exemple, aujourd'hui, toute une société de la misère sexuelle où le désir ne trouve plus le moyen de se concrétiser. Et ça va également créer une société de la consommation où, par la consommation, on va recourir à des objets transitionnels qui vont nous permettre d'assouvir notre pulsion sous la forme de l'acte d'achat. Mais si un système politique impose une rigueur morale, une espèce de d'esprit traditionnel et patriote, ben il est certain que le marché va s'en trouver pénalisé, l'acte d'achat va s'en trouver réduit, et donc la société de consommation, la société libérale dans son aspect économique va être bloquée. Donc on peut dire que le discours prétendument antilibéral de la gauche radicale et de l'extrême gauche, là encore, n'est qu'une posture, une posture esthétique, qui vise à ramener l'électorat qui se dit anticapitaliste et de gauche authentique, mais dans les faits, cette politique ne pourra pas être appliquée jusque dans ses implications ultimes. L'extrême gauche et la droite libérale seraient donc les deux faces d'une même pièce. Absolument. C'est pour ça que, au moment de la sortie de mon premier livre, La gauche du capital, j'avais donné une conférence qui s'appelait Besancenot-Parisot, même combat. Puisqu'en réalité, lorsqu'on fait cette analyse, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune opposition de principe entre l'extrême-gauche libertaire, qui va prôner l'idéologie du métissage comme projet civilisationnel, puisque là encore, il ne s'agit pas de critiquer le métissage comme choix privé ou choix individuel, mais à partir du moment où le métissage devient un projet politique à part entière, un projet de civilisation... Un impératif. Un nouvel impératif catégorique... On entre dans quelque chose de nouveau, qui est l'imposition d'une nouvelle vision du monde et d'un nouveau système de valeurs qui se traduit dans les faits par une dissolution de toutes les cultures et de toutes les spécificités identitaires. Ça fait partie des nombreux paradoxes de l'extrême gauche, sur lequel je tiens à mettre le doigt parce que j'aimerais que les personnes qui sont dans ces mouvements prennent conscience de la contradiction qui est inhérente à leur positionnement, c'est que lorsqu'on prétend défendre les identités, lorsqu'on prétend défendre les spécificités culturelles... La diversité. La diversité. Mais qu'en même temps, on travaille à l'homogénéisation culturelle du monde et qu'on ne remet absolument pas en cause ce principe d'homogénéisation, eh bien on œuvre objectivement à la destruction des cultures. Charles Robin, je n'oublie pas le sous-titre de votre dernier ouvrage, donc Itinéraire d'un gauchiste repenti, pour un anticapitalisme intégral. Alors expliquez-nous ce que vous entendez par anticapitalisme intégral, s'il vous plaît. Bien, ça rejoint ce qu'on était en train de dire, à savoir que être anticapitaliste peut être une simple posture. Jean-Luc Mélenchon peut se présenter très facilement comme un anticapitaliste, puisqu'il porte un discours économique qui se veut contre le monde de la finance et le monde de la banque. Mais un anticapitalisme intégral, c'est un anticapitalisme conséquent, c'est un anticapitalisme cohérent, c'est-à-dire c'est un anticapitalisme qui intègre la dimension culturelle de la critique du capitalisme. Un système économique ne fonctionne pas indépendamment des comportements privés de la population sur laquelle il s'exerce. Un système économique, pour être viable, a besoin de l'adhésion de la population par ses pensées, par son comportement. L'idéologie libérale, la culture libérale, c'est ce qui va permettre de rendre les individus acteurs de la domination capitaliste marchande. Marx distinguait, dans le système de domination, la superstructure et l'infrastructure. L'infrastructure, c'est l'économie. Pourquoi ? Bien parce que c'est l'économie qui surdétermine le reste. Et la superstructure, c'est l'idéologie. C'est la couche superficielle, c'est un peu le vernis de la superstructure économique. Et qu'est-ce qui constitue l'idéologie ? Bien, c'est l'air du temps intellectuel, c'est l'idéologie médiatique. Et cette idéologie, elle va venir en soutien et en renfort de la domination économique pour qu'elle puisse se traduire dans des comportements privés. Donc si on peut dire ça de manière un petit peu plus concrète, à partir du moment où l'économie libérale est en place, il faut que l'idéologie libérale se mette en place pour que l'économie libérale soit viable. Donc pour vous, la révolution est conservatrice intrinsèquement ? Intrinsèquement, elle implique une dimension conservatrice, non pas par nostalgie, par exemple, pour un ordre religieux ou pour un ancien régime médiéval, mais tout simplement parce que le libéralisme, dans son déploiement historique, a produit un démantèlement de toutes ces valeurs traditionnelles qui étaient présentes et qui avaient une fonction centrale chez les catégories populaires. Ce sont sur ces valeurs-là que les catégories populaires organisent leur manière de vivre quotidienne. Et aujourd'hui, on peut en arriver par exemple à ce genre d'aberration telle que celle prononcée par Pierre Berger, qui nous explique que vendre son corps, ou plutôt vendre son ventre, louer son ventre ou louer ses bras, quelle différence ? Bien, la différence, elle repose précisément sur cette notion de dignité humaine qu'on a pu évoquer comme étant une partie intégrante de la common decency. La différence, c'est que à partir du moment où on admet la valeur de la dignité humaine comme faisant partie des rapports humains, eh bien, on ne peut pas tolérer que ce soit la même chose. On va créer une séparation entre ce qui est décent et indécent. Mais c'est évident que d'un point de vue libéral conséquent, cette différence n'a aucun sens. Je comprends que Pierre Berger puisse se poser la question « quelle différence ?» puisque c'est un libéral conséquent. Donc pour lui, il n'y a pas de différence entre louer ses bras et louer son ventre, puisqu'il a intégré le fait que la notion de dignité humaine était pour lui une absurdité métaphysique. Mais cette absurdité métaphysique qu'on va rejeter dans le camp des conservateurs, elle est au cœur de la vision du monde des classes populaires, et toute révolution anticapitaliste se doit d'intégrer cette dimension. Et les conservateurs sont taxés par les progressistes d'être des réactionnaires. Vous rejetez ce terme ? Alors je le rejette, bien qu'il puisse être ambigu, puisque le réactionnaire c'est celui qui réagit, et donc s'il y a réaction, ça veut dire qu'il y a un ordre auquel on réagit. Donc ceux qui traitent leurs ennemis de réactionnaires, d'une certaine manière, sans s'en rendre compte, admettent le fait qu'ils incarnent l'ordre dominant. Je rejette ce terme pour sa connotation péjorative, parce que je pense que c'est l'un des nombreux concepts fourre-tout dans lequel on aime bien mettre tout ce qui nous déplaît, tout ce qui nous dérange. Le mot conservateur me semble peut-être moins agressif, peut-être aussi plus parlant à tout un ensemble de la population qui peut se sentir un petit peu heurté par le terme réactionnaire. Lorsqu'on traite quelqu'un de réactionnaire, généralement, c'est pour le disqualifier du débat. On n'attend pas d'un réactionnaire qui nous donne des arguments. On attend d'un réactionnaire qui se taise et qu'il reconnaisse qu'il fait partie du camp du mal, en quelque sorte. La domination idéologique, c'est également la domination par le langage. Donc là, je renvoie les auditeurs directement au texte de George Orwell, qui, dans 1984, explique bien ce qu'est la novlangue. C'est cette transformation et cette réadaptation du langage qui permet d'empêcher toute pensée critique, puisqu'à partir du moment où certains mots sont condamnables par essence, il devient impossible de produire une critique qui intégrerait ces concepts. C'est là où Jean-Claude Michéa, par exemple, a fait un excellent travail en réhabilitant le terme de populisme, qui aujourd'hui peut même être assumé par un Jean-Luc Mélenchon, qui, je pense, rejetterait l'affiliation avec toute idée de conservatisme. Eh bien, Jean-Claude Michéa a bien expliqué que le populisme n'était rien d'autre que la traduction en latin de ce qu'on appelle la démocratie en grec, puisque demos kratos en grec, c'est le pouvoir du peuple. Populus en latin, c'est le peuple. Le populisme, c'est donc, là encore, la mise au premier plan du peuple. Et pourtant, lorsqu'on se définit soi-même comme populiste, eh bien, c'est à peu près synonyme de réac, d'extrême droite, voire de fasciste. Dictateur. Oui, c'est ça. Alors, on se retrouve par exemple aujourd'hui avec un Donald Trump qui est traité par les Français de populiste. D'ailleurs, par les médias français, ce qui est quelque chose de légèrement différent. Tout à fait, vous avez raison de me corriger. D'ailleurs, ceux qui traitent Donald Trump de populiste ne se posent pas la question de savoir comment il a fait pour être élu, et que s'il a été élu, c'est que le peuple précisément a voté pour lui. C'est une autre question. Mais aujourd'hui, traiter quelqu'un de populiste peut facilement devenir un titre honorifique. Et donc, je pense que là encore, c'est un des concepts qui vise à disqualifier l'adversaire, mais qui va de plus en plus, je pense, tomber en désuétude. Et est-ce que vous diriez, par ailleurs, que le nationalisme est révolutionnaire? Là encore, tout dépend de ce qu'on appelle nationalisme. Il y a un vrai travail à faire sur la définition des termes. Beaucoup de personnes font cette distinction entre nationalisme et patriotisme en disant que le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie, et tandis que le nationalisme, ce serait le rejet d'autrui. Si on appelle le nationaliste un chef d'État comme Hugo Chavez, par exemple, eh bien je pense que oui, le nationalisme peut s'avérer révolutionnaire. La question est de savoir si le nationalisme est utilisé comme une stratégie politique dans le cadre, par exemple, d'une lutte contre une hégémonie impériale. Et dans ce cas-là, le nationalisme se justifie pleinement. Maintenant, si nous sommes dans un monde dans lequel il n'y a pas d'hégémonie impériale qui nécessite une espèce de mouvement revendicatif nationaliste, dans ce cas-là, le nationalisme peut donner lieu à d'autres choses. Je viens de la gauche et de l'extrême gauche. À l'extrême gauche, le terme de nationalisme est évidemment disqualifié. C'est un gros mot. C'est un gros mot, c'est un anathème, puisque je pense qu'il y a beaucoup de dogmatisme très proche de, disons, du fanatisme dans l'extrême gauche. J'en sais quelque chose. Alors, on est deux. Je pense que ce n'est pas un terme qu'il faille rejeter par principe. C'est une vieille histoire déjà entre le communisme et le trotskisme. Le trotskisme ayant accusé le communisme et Staline d'être nationaliste. Et puis ensuite, ça a été une histoire avec Jean-Pierre Chevènement, notamment, qui avait été accusé d'être d'extrême droite, voire d'extrême droite. C'est ça. Et je veux pas m'acharner sur lui, mais on parlait de Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon n'a aucun mal à assumer son amour de la patrie et de la nation. Il se dit l'héritier de 1789, qui est la phase, malgré tout, d'exaltation de la nation contre le royaume. Et si on admet la définition de la nation à la française, qui n'est pas une définition ethniciste ou racialiste de la nation, eh bien je pense que pousser des cris d'orfraie lorsqu'on prononce le mot nationalisme, c'est ne pas connaître l'histoire de France et de la nation française. Alors, vous disiez venir de l'extrême gauche. Où êtes-vous maintenant, Charles Robin? Alors, je suis ici devant vous à votre micro aujourd'hui. C'est une chose. Mais sinon, je ne suis pas encarté, je ne fais partie d'aucun mouvement politique, d'aucun parti. Pour tout vous dire d'ailleurs, je me sens de plus en plus étranger à toutes les problématiques partisanes au niveau politique. J'ai renoncé au militantisme politique. Et je pense qu'on peut faire de la politique autrement qu'en passant par la politique. Je crois plus dans le politique que dans la politique. Et le politique, ça passe aussi par des choses qui sont, disons, périphériques au militantisme politique tel qu'on le conçoit généralement. J'ai écrit et publié, vous l'avez dit tout à l'heure, un petit livre de philosophie. Alors beaucoup de gens pourront dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus urgentes aujourd'hui que de publier un livre de philosophie ? C'est la question que j'allais vous poser, pourquoi ce livre ? Alors, pour continuer mon argumentation sur cette question, il y a des choses plus urgentes effectivement qu'à publier un livre de philosophie. Mais je pense que chacun a son rôle et chacun doit faire ce dans quoi il est le meilleur et le plus compétent. Aujourd'hui, faire de la philosophie devient un acte politique à l'heure où le discours politique est totalement, disons, sclérosé et s'appuie sur des aberrations logiques au quotidien. Aujourd'hui, nous avons des ministres, des chefs d'État qui sont incapables de comprendre le sens philosophique de leur propre discours et qui, du coup, n'ont plus aucune maîtrise de ce qu'ils disent, c'est-à-dire que la pensée leur échappe totalement. Se réapproprier les outils de la pensée, c'est le premier pas pour faire de la politique de manière efficace. Donc je l'ai dit et je le répète, je ne m'inscris dans aucune filiation politique, aucune filiation idéologique, mais je trouve dans la philosophie des armes intellectuelles pour penser le monde. Et étant donné que je milite au niveau quotidien, au niveau personnel, pour l'autonomie du peuple et un retour à une forme d'autogestion, je pense que se réapproprier les outils de la pensée, c'est faire œuvre d'autonomie et c'est travailler à l'émancipation du peuple. Alors, je vois votre livre là à l'instant. Et pourquoi ce choix de René Descartes sur la couverture ? Est-ce que c'est votre éditeur ou est-ce que c'est... Non, pas du tout. C'est mon choix personnel puisque Descartes est présenté comme l'icône de la philosophie à la française. Alors, Descartes est un personnage intéressant puisque si on se penche sur son œuvre, ça a été le premier donc au XVIIe siècle à introduire dans la philosophie le concept de rationalité et d'individu. Pour Descartes, la philosophie doit être passée au crible de l'examen rationnel et on ne doit rien admettre qui n'ait été vérifié, validé par la raison. Le passage très connu que je cite souvent d'ailleurs dans mes livres, c'est celui où Descartes admet que depuis son enfance, il a admis quantité de choses comme étant vraies sans les avoir vérifiées et qu'un jour dans sa vie, il entreprend de tout remettre en cause pour établir des fondements plus solides. J'ai un petit peu l'impression d'avoir fait ça lorsque j'ai remis en cause le dogme de l'extrême gauche. D'ailleurs, petite parenthèse en guise de provocation, il faut reconnaître à Descartes d'avoir été le premier finalement concepteur du révisionnisme au sens philosophique, puisque c'est lui qui, le premier, a dit qu'il fallait remettre en cause ce que l'on croyait être vrai sans l'avoir vérifié. Et lorsqu'on parle de Descartes aujourd'hui, on a souvent tendance à se réclamer de la pensée cartésienne lorsqu'on fait preuve de raison et d'examen critique. Je remarque que beaucoup de personnes arrête l'examen critique là où il considère que la raison doit laisser la place à l'émotion, là où la raison finalement est interdite. Et Charles Robin, je vais reprendre le titre de votre ouvrage. Sommes-nous tous des Monsieur Jourdain ? Faisons-nous tous de la philosophie sans le savoir ? Indirectement, oui. Lorsque vous dites que vous faites de la philosophie, que vous en faites votre métier, vous avez deux réactions. Soit les gens vous répondent « j'adorais la philosophie en terminale, j'avais un prof passionnant, j'adore ça ». Soit on vous répond « oulala, la philosophie, c'est pas mon truc et ça m'intéresse pas ». Moi, c'est cette catégorie de personnes qui m'intéresse, puisque je pense qu'on fait tous de la philosophie sans le savoir. Lorsqu'on prononce certaines phrases, eh bien, il y a tout un tas de présupposés philosophiques dont nous n'avons pas conscience. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes tous des Monsieur Jourdain, nous faisons de la philosophie sans le savoir. Et le but de ce petit livre que j'ai auto-édité, c'est de montrer qu'à travers des phrases parfaitement anodines de la vie quotidienne, on engage une philosophie implicite. Alors évidemment, les phrases et les exemples de phrases que je donne dans ce livre, il faut les prendre avec du recul. Il y a une partie humoristique dans ce livre. Je pense que vous allez citer quelques exemples, mais il y a beaucoup de phrases, lorsqu'on les prononce, on ne sous-entend pas de manière consciente tout ce qu'elle implique, tout ce qu'elle recèle sur le plan conceptuel. Mais c'est selon moi un angle d'attaque intéressant pour montrer qu'on peut faire de la philosophie sans s'en rendre compte, on peut faire de la philosophie de manière assez ludique. C'est ça. Alors, vous partez du postulat que le langage est le véhicule de la pensée et même de l'inconscient à travers ces petites phrases dont vous parlez. Alors, moi, j'avais une question à vous poser. Ça m'a fait penser à ça. Est-ce qu'il y a une pensée sans mots ? C'est très difficile à concevoir, l'idée d'une pensée sans mots. On peut avoir une intuition qui n'a pas encore trouvé les mots pour se formuler. Là-dessus, je suis assez hégélien. Je pense que on pense à partir du langage. Et si l'on pense quelque chose, c'est toujours à partir de mots. Je prendrai un exemple typiquement bien connu en philosophie. Hegel emploie le concept de Aufhebung pour désigner un processus de la conscience, en gros, qui veut dire trois choses à la fois. Ça veut dire supprimer, conserver et dépasser. Mais il est évident que si on ne possède pas ce mot dans la langue française, il va être très difficile de forger l'idée à laquelle ce mot correspond. Et dans la mesure où on pense à travers les mots, eh bien, on pense d'autant mieux qu'on est équipé sur le plan du vocabulaire, sur le plan linguistique, lexical. C'est pour ça que je dis souvent, j'encourage très souvent à interroger le sens des mots qu'on emploie. J'encourage à revenir à l'étymologie des mots parce que lorsqu'on étudie, lorsqu'on analyse le sens profond des mots qu'on emploie, on s'aperçoit de tout un monde souterrain du langage qui nous permet d'évoluer de manière beaucoup plus confortable dans la pensée, qui nous permet par exemple de ne pas tomber dans le piège des mots. On parlait tout à l'heure justement des certains mots piégés, le mot réactionnaire, le mot populiste sont des exemples. Il y a tout un tas de mots aujourd'hui qu'on emploie, même le mot libéral. J'ai beaucoup de gens par exemple qui me disent « vous êtes anti-libéral, donc vous êtes contre la liberté ». Et là je leur dis « mais excusez-moi, vous ne faites pas la différence entre la liberté et la libéralité ». Être libéral, ce n'est pas être pour la liberté, c'est pour être la libéralité, c'est-à-dire être pour, disons, le libre arbitre comme décision instantanée de l'individu par rapport à une situation. Mais ce qu'on appelle la liberté depuis l'Antiquité, ce n'est pas du tout ça. La liberté, c'est la capacité de se déterminer en conscience. Par exemple, Kant identifiait la liberté à l'autonomie. Et autonomos, ça veut dire se déterminer selon ses propres lois. Ce n'est pas du tout l'absence de loi, c'est même le contraire. Donc aujourd'hui, on en arrive à considérer que la liberté, ce serait l'absence de règles, alors que historiquement, ça a toujours désigné la capacité de suivre ses propres règles. C'est ce que vous dites d'ailleurs quand vous citez l'exemple de la phrase « je fais ce que je veux », qui est une phrase qu'on entend très couramment. Et en réalité, cette phrase contient beaucoup plus que ce qu'elle ne dit. Et c'est ça, c'est-à-dire que dire « je fais ce que je veux », la question que j'ai envie de poser, c'est à quel moment fais-tu ce que tu veux ? Puisque là, par exemple, moi qui m'exprime, je m'exprime en français puisque c'est ma langue natale. Je ne parle pas de langue étrangère suffisamment bien pour pouvoir m'exprimer dans une autre langue. Est-ce que je fais ce que je veux lorsque je parle en français ? J'aimerais pouvoir parler en anglais, en chinois ou en portugais. Je ne peux pas le faire. Je ne fais pas ce que je veux. J'aimerais avoir des ailes et pouvoir m'envoler. Je ne le peux pas. J'aimerais être immortel. Je ne fais pas ce que je veux. Donc, je fais ce que je veux, mais toujours dans les limites qui sont les miennes, à savoir des limites naturelles, des limites culturelles, des limites sociales, des limites linguistiques. La liberté absolue est quelque chose de littéralement inconcevable. On ne peut pas concevoir ce qu'est la liberté absolue. Donc la liberté est toujours un concept relatif. Et c'est toujours, selon moi, en admettant que la liberté n'est pas absolue, qu'on peut tendre vers cette liberté. Lorsqu'on a conscience des limites qui sont posées à notre liberté, on peut questionner ces limites et on peut les dépasser. C'est ce que vous dites quand vous citez Spinoza, qui explique que la liberté est fondée sur notre ignorance. Voilà. En fait, Spinoza nous explique que ce qu'on appelle liberté, c'est l'ignorance de ce qui nous détermine. Par exemple, si là, à ce micro, je décide de me lever et de partir, eh bien, je peux dire que c'est un acte libre, que c'est un acte que j'ai choisi et qui ne m'a pas été imposé. Mais si on décortique le fil de la causalité qui m'a amené à me lever, eh bien, on va trouver des causes. Eh bien, ces causes-là, elles m'ont poussé à faire ce que je fais. Ce qu'on appelle la liberté, c'est donc l'aveuglement vis-à-vis de ces causes. Et pour Spinoza, il n'y a pas de liberté comme il n'y a pas de hasard. Il y a toujours des causes qui produisent certains effets. C'est le monde de la causalité. Et aujourd'hui, on aime bien dire qu'on fait ce qu'on veut et qu'on est absolument libre. Eh bien, j'invite les gens à se poser la question de savoir s'ils sont vraiment libres lorsqu'ils le disent. Et pourtant, Sartre, que vous citez également, nous dit que nous sommes libres à chaque seconde. Oui, alors Sartre, généralement, lorsque je le cite, c'est jamais d'un point de vue très positif dans mes livres, même si je lui reconnais d'avoir eu des intuitions extrêmement intéressantes. Sartre, lui, s'oppose totalement à Spinoza, puisqu'il nous explique que à chaque seconde de notre vie, nous sommes confrontés à des choix concrets, et que c'est d'ailleurs ça l'essence de l'homme et le propre de l'humanité, c'est d'être confronté à des choix permanents. Il nous explique, par exemple, que nous acceptons la contrainte, si nous acceptons de faire ce que l'on doit faire, c'est parce qu'en fait on a peur de cette liberté. Pourquoi est-ce qu'on en a peur ? Parce que la liberté est absolue, elle est infinie, et ça provoque chez l'individu une angoisse, le fait de se dire qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et cette angoisse, pour être résolue, pour être résorbée par l'individu, eh bien, l'individu va choisir la contrainte, puisque la contrainte lui permet de se canaliser, lui donne des règles, lui donne une identité, et c'est plus confortable de vivre dans un certain nombre de règles que d'assumer sa liberté. Mais si finalement tous nos actes sont déterminés, est-ce que l'on peut aller jusqu'à imaginer qu'il y a un déterminisme dans nos vies et qu'en fait il y a un sens, comme s'il y aurait un sens à l'histoire? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Alors c'est là où, justement, c'est le non-dit de mon livre. Je présente des positions adverses et je prends bien soin de ne pas indiquer quelle est ma position personnelle. Je pourrais presque dire que je n'ai pas de position personnelle, que j'essaye de retenir les choses intéressantes chez les uns et chez les autres. Mais l'idée du déterminisme, c'est l'idée que la liberté n'existe pas, que tout ce qui arrive devait arriver et que, d'une certaine manière, on ne peut rien y faire, on ne peut rien y changer. Je pense que il est possible, effectivement, que l'histoire obéisse à un schéma déterministe, obéisse à une nécessité intégrale. Et il est fort possible que nous soyons davantage les pions de l'histoire que les acteurs de l'histoire. Là-dessus, je rejoins assez la position de Francis Cousin, qui dit que lorsqu'on s'exprime, en fait, on ne s'exprime pas. C'est l'histoire qui s'exprime à travers nous. Lorsqu'on fait quelque chose, c'est l'histoire qui agit à travers nous. C'est la position de Tolstoï et en réalité de tous ces auteurs qui ont décrit à travers leurs romans justement ce déterminisme historique. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une logique, il y a un mouvement qui s'accomplit et les individus que nous sommes, tout en ayant la prétention et la vanité de croire que nous faisons l'histoire, en fait, c'est l'histoire qui nous fait. Mais le fait est qu'on peut conserver de Sartre l'idée que nous sommes, malgré tout, confrontés à des choix à chaque instant de notre vie, et que ces choix, il faut bien les faire, il faut bien les prendre. Autrement dit, on a beau considérer que l'histoire s'accomplit par-dessus nos têtes, eh bien, à un moment donné, nous sommes des êtres de chair, qui dit être de chair, dit être d'action, et que l'action doit passer par nous. Nous devons consentir à faire l'histoire si nous voulons que l'histoire s'accomplisse. Donc nous sommes effectivement confrontés à des choix permanents et ça ne résout pas la problématique de la liberté, mais en tout cas, ça fait de nous des individus libres au quotidien. Alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à ma question concernant est-ce qu'il y a une pensée sans mots. Vous avez répondu qu'en réalité, le mot est plus que le contenant, il est le contenu, c'est-à-dire que sans mots, il n'y a pas de pensée. On est d'accord ? Oui. Donc vous vous disiez que vous préconisiez l'analyse des mots et revenir à la source, à l'étymologie des mots. Nous, à Égalité et Réconciliation, nous préconisons de lire, tout simplement. Sans lecture, pas de mots et sans mots, pas de pensée. C'est fondamental. C'est absolument fondamental. Aujourd'hui, toute initiative qui pousse les gens à lire doit être saluée, puisque à vrai dire, c'est dans la lecture que se constitue le matériel et le patrimoine linguistique à partir duquel on peut agir et avoir une véritable influence. Je veux dire, lorsque par exemple quelqu'un comme Bourdieu, que je malmène un petit peu dans Itinéraire d'un gauchiste repenti, lorsqu'il explique que le système économique et politique fonctionne sur la loi de la reproduction et qu'il dit que les héritiers sont ceux qui ont justement hérité d'un patrimoine culturel et symbolique, il reconnaît par là que la connaissance est un pouvoir et que la connaissance, ça passe par le livre. C'est par la transmission de la culture écrite qu'on peut se forger une véritable, on pourrait dire, stature intellectuelle et un véritable attirail conceptuel. On ne peut pas penser sans les mots, je l'aurais dit, et je pense que ce n'est pas du tout disqualifiant à l'égard de ceux qui n'ont pas un bagage littéraire. Je ne suis pas là non plus pour dire aux gens ce qu'ils ont forcément envie d'entendre. Je suis aussi là pour dire aux gens, vous pouvez aller vers le livre, vous pouvez aller vers les lettres, même si vous pensez que vous en êtes exclu a priori. À titre personnel, je ne me suis pas vu depuis mon enfance comme quelqu'un qui allait devenir étudiant en philosophie, écrivant des livres et donnant des conférences. À un moment donné, je suis tombé sur des personnes qui m'ont donné le goût de la lecture, dont je me suis inspiré, que j'ai vu comme des modèles et des exemples. J'ai voulu m'en inspirer et c'est comme ça que je suis venu au livre. Mais ce n'est pas finalement le livre qui est venu à moi, c'est moi qui suis allé au livre. Et chacun, toute personne qui écoute cette émission, a le choix, après cette émission par exemple, d'ouvrir un livre ou même d'écouter une émission qui va parler de livres pour ensuite faire la transition vers la lecture. Mais toute personne a le choix d'ouvrir un livre ou de ne pas le faire. Et Tous philosophes, ce petit livre, ça se veut une espèce de solution de compromis, puisque c'est un petit livre qui reste accessible, qu'on peut prendre d'ailleurs par n'importe quel chapitre, hein, c'est pas linéaire, on peut l'entamer par n'importe quel bout, mais c'est par le livre et par l'accès à la culture qu'on va pouvoir véritablement agir sur le monde. N'oublions pas que qu'est-ce que l'action, qu'est-ce qu'agir, c'est le prolongement de la pensée, c'est le prolongement de l'esprit. On n'agit pas indépendamment de notre pensée, on agit dans le prolongement de notre pensée. Nourrir la pensée, c'est nourrir l'action, et j'essaye de nourrir, là encore, de manière très, très humblement, je ne veux pas avoir l'air de dire aux gens comment il faut penser, parce que je trouve que cette attitude est totalement condescendante et paternaliste. J'essaye de m'en éloigner au maximum. Mais si je peux apporter ne serait-ce qu'un petit tremplin pour faire accéder quelques personnes à ce monde de la philosophie, leur montrer que la philosophie n'est pas un espace réservé à une élite, que ce n'est pas un espace clos, mais que c'est un espace ouvert qu'on doit réinvestir. Quand je dis « on », je veux parler des gens ordinaires, je veux parler du peuple. C'est un espace qu'on doit réinvestir pour montrer que, eh bien, on se réapproprie les outils de notre émancipation. Alors, Charles Robin, ce cheminement est aussi motivé par une quête de la vérité. Que répondez-vous à ceux qui disent « chacun sa vérité » Déjà, je leur répondrai que quand on dit « chacun sa vérité », on formule une vérité. Donc, on est déjà pris dans une contradiction. Ensuite, cette phrase que je reprends, puisque c'est aujourd'hui une phrase très à la mode, chacun sa vérité, ça entérine le principe de relativisme absolu. C'est là qu'on peut voir qu'il y a un lien avec l'idéologie libérale. Pour certaines personnes qui pensent que je fais un peu du monodéterminisme en parlant du libéralisme à tout bout de champ, c'est le libéralisme comme mouvement philosophique qui a entériné l'idée que chacun possédait sa propre vérité, en tout cas au niveau de son comportement individuel. Dire chacun sa vérité, ça veut dire que si par exemple je dis que 2 plus 2 égale 5, eh bien c'est ma vérité, donc on ne peut pas me le contester. Si je dis que la Terre est plate, eh bien c'est la vérité, on ne peut pas me le contester. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on dit chacun sa vérité, c'est très bien, ça participe d'un élan de tolérance et de bienveillance à l'égard de la pluralité des opinions, mais ce n'est pas une position qui est tenable dans ses implications. Je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la vérité. Lorsque, par exemple, Platon explique que la vérité, c'est l'idée qui se tient derrière chaque chose. C'est une notion très intéressante. Si vous pouviez développer. Je vais essayer de résumer de manière accessible ce que dit Platon, qui est souvent victime de distorsions. Platon nous explique que nous vivons dans un monde qui, par définition, est changeant, mouvant. Le monde sensible, c'est le monde de la matière, dans lequel toutes les choses sont en transformation perpétuelle. Platon nous dit, on ne peut pas connaître le monde sensible, ou plutôt connaître le monde sensible, ce n'est pas connaître, puisque les choses évoluent. Donc ce que je dirai sur une chose à un moment donné ne sera plus vrai dans la minute qui suivra. Si par exemple je dis qu'ici il fait chaud et que dehors il fait froid, eh bien, est-ce que c'est vrai? Tout dépend de ce qu'on appelle le chaud et le froid. C'est très relatif. Si je prends un thermomètre et que je vous demande de me dire où commence le chaud, vous allez être embêté, puisque c'est une notion parfaitement relative. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît par l'intermédiaire, par l'entremise de nos sens, est par définition relatif. Platon nous dit à partir de là, il n'y a pas de vérité dans le monde sensible. La vérité se trouve ailleurs. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans ce qu'il appelle le monde des idées. Et le monde des idées, c'est quoi? Eh bien, c'est une sorte de modèle intellectuel, disons, idéal, au sens de qui concerne l'idée, qui est à la source de notre monde sensible. Tout ce qui existe dans le monde sensible, en tant qu'objet, existe dans le monde intelligible sous forme d'idées. Et par exemple, si on prend les êtres humains que nous sommes, eh bien nous sommes d'accord pour dire que nous appartenons à une espèce qu'on appellera l'espèce humaine, l'espèce homme, la catégorie homme. Donc l'homme existe, l'homme avec un H majuscule, pourtant vous n'allez pas le rencontrer dans la rue, l'homme, il n'existe pas à proprement parler. Et pourtant, il existe comme catégorie générique, il existe comme concept, il existe comme idée. Eh bien, l'homme comme idée, c'est la vérité de l'homme, au sens où c'est ce qui se tient derrière chaque être humain. C'est le modèle idéal sur lequel est composé chaque être humain. Pour Platon, c'est ça la vérité. Et la vérité n'est pas de ce monde, littéralement. Elle est au-delà de notre monde sensible. Et le travail du philosophe, ou de l'aspirant philosophe, c'est de réussir à se détacher progressivement de la contingence du monde sensible, le fait que le monde soit soumis à une évolution permanente, pour accéder à ce monde de l'intelligible, qui est un monde, lui, éternel et immuable. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que Henri Guillemin explique que cette préconception du bien qu'on a tous est un indice de l'existence de Dieu. Alors là, on parle de choses qui peuvent nous amener assez loin, c'est-à-dire le fameux débat entre savoir si le bien, alors mettons un B majuscule pour la commodité de la discussion, est-ce que c'est une création de l'esprit humain ou est-ce que c'est une réalité antérieure à l'homme ? Une réalité qui excède absolument les capacités spirituelles de l'homme. Bien, pour ma part, je n'ai pas résolu la question. Et je serais intéressé d'entendre quelqu'un qui aurait résolu la question, parce que c'est un véritable problème en termes philosophiques, qui s'est posé d'ailleurs non seulement pour l'idée de Dieu, mais pas seulement, qui se pose par exemple pour l'idée de nombre. Lorsqu'on prend le nombre 1, le nombre 1 n'existe pas dans la nature, et pourtant c'est la base des mathématiques. Et je fais quand même un lien ténu, discret, mais un lien malgré tout entre les mathématiques et la théologie, puisque l'unité, c'est ainsi qu'est représentée souvent l'entité divine, Dieu avec un D majuscule, et c'est de l'unité que dérive la pluralité, la multiplicité. On retrouve d'ailleurs chez Platon l'idée que ce qui se trouve au sommet du monde des idées, c'est l'unité, ce qu'il appelle l'un bien. Donc le bien, ça correspond finalement à Dieu chez Platon. Et cette unité, est-ce qu'elle existe indépendamment de l'esprit de l'homme ou est-ce qu'elle est une invention de l'homme ? Bien écoutez, je pense que la question est difficile à résoudre. Alors si vous attendiez une réponse définitive de ma part, ben, je suis navré, vous ne l'aurez pas. Non, pas du tout, c'était une parenthèse. Très bien, mais je pense que c'est une question qui gagnerait à être interrogée, à être étudiée. Alors dans toutes ces expressions du langage commun que vous remettez à l'endroit dans tout ce philosophe, il y en a une sur laquelle que je voudrais que vous reveniez. C'est une phrase qu'on entend beaucoup chez ce que Philippe Murer a appelé les homo festivus, et qui se traduit aussi dans certains milieux par « la vie est une fête », c'est « il faut profiter de la vie ». Alors il faut profiter de la vie, donc ça fait partie d'un nouvel impératif catégorique, il faut profiter de la vie, toujours avec l'idée sous-jacente que profiter de la vie, c'est s'abandonner totalement au désir du corps, au désir charnel. Comme si profiter, d'ailleurs le mot est intéressant, puisque profiter, c'est acquérir du profit. Donc on reste encore une fois dans un lexique très proche du libéralisme. Profiter de la vie, ça signifierait, comme on dit aujourd'hui, ne pas se prendre la tête et prendre tous les plaisirs qui passent. Souvent, quand on dit « on profite de la vie », on se définit comme épicurien d'ailleurs. On dit « je suis un épicurien, j'aime profiter de la vie ». Là encore, c'est un contresens. C'est un contresens philosophique et historique, puisque Épicure n'a jamais milité pour une philosophie de la luxure et de la débauche. Puisque pour lui, le plaisir et le bonheur, ça impliquait une modération dans la recherche des plaisirs, qui aujourd'hui serait jugée d'ailleurs parfaitement intolérable pour les libéraux, puisque le plaisir ne doit pas être limité. Parce que s'il est limité, sur quelle base doit-il l'être ? Et si on établit des critères de limitation du désir, on est déjà dans une pensée totalitaire aux yeux d'un libéral conséquent. Alors il faut profiter de la vie, certes, il faut profiter de la vie. La question, c'est de savoir plutôt comment en profite-t-on de la vie ? Est-ce qu'on en profite en assujettissant son prochain ? Est-ce qu'on en profite en s'abandonnant totalement à la vie, à l'exaltation des sens ? Ou bien est-ce qu'il existe aussi un plaisir et un bonheur sous une forme sublimée qui ne passerait pas directement par la pure consommation matérielle, mais qui passerait aussi par des médiations différentes ? Jeremy Bentham, qui est un des fondateurs de l'utilitarisme, disait bien que tous les plaisirs se valaient. Si vous mettez vos doigts dans un pot de Nutella pour les lécher, ou si vous lisez un poème de Rimbaud, par exemple, eh bien vous aurez peut-être deux plaisirs différents, mais après tout, qu'est-ce qui permet de les différencier ? On peut dire qu'il faut profiter de la vie, c'est un petit peu le slogan de l'aplanissement généralisé de la conception du bonheur, de la philosophie du bonheur. Et c'est un peu ça qu'on nous propose aujourd'hui avec le libéralisme, puisque ma critique du libéralisme n'est pas gratuite, ce n'est pas la critique de quelqu'un qui serait, qui occuperait une position droitarde, traditionnelle, et qui se méfierait de tout ce qui est exaltation de la chair, pas du tout. Personnellement, je ne me considère pas vraiment comme un modèle de vertu de ce point de vue-là, donc il n'y a aucune inquiétude à avoir. Mais c'est simplement, est-ce qu'on voit dans le bonheur quelque chose qui est simplement de l'ordre de la jouissance corporelle, ou est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose qui va au-delà ? Et ça fait partie donc des phrases que j'analyse de ce point de vue-là. Et vous dites que seule la modération des plaisirs peut nous faire accéder à cette quiétude de l'âme qui en est la véritable définition. C'est ça, pour Épicure, la véritable définition du bonheur, c'est la quiétude de l'âme, le contraire étant l'inquiétude de l'âme. Aujourd'hui, nous sommes dans une société extrêmement anxiogène qui va favoriser l'inquiétude du lendemain, bien sûr. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que très souvent, lorsqu'on veut justement expliquer le comportement des classes populaires par rapport à toutes les mesures de libéralisation, que ce soit au moment du référendum sur l'Union européenne ou que ce soit au moment des élections, on va toujours brandir l'idée de l'angoisse du lendemain, la peur du lendemain, et c'est ainsi qu'on pourrait expliquer le vote extrême, donc les catégories populaires auraient peur du lendemain. Ce que Michel appelle le complexe d'Orphée, il me semble. Absolument, le complexe d'Orphée, selon lequel regarder dans le rétroviseur du passé, ce serait déjà quelque chose... Ce serait déjà dire, c'était mieux avant, donc être donc être populiste, réactionnaire. Donc réactionnaire, donc fasciste. Voilà, vous avez bien compris la chaîne de déduction. Et donc c'est cet argument qui revient souvent, qui consiste à dire donc les catégories populaires ont peur du lendemain, qui expliquerait certains comportements électoraux. Je tiens à dire une chose à ceux qui brandissent cet argument: les catégories populaires n'ont pas peur du lendemain. Elles sont dans une précarité actuelle. C'est d'aujourd'hui qu'elles ont peur. Elles n'ont pas peur du lendemain. Elles ne sont pas dans l'anticipation d'une situation qui pourrait advenir. Elles sont déjà, pardonnez-moi le mot, elles sont déjà dans la merde. Donc elles n'ont pas peur d'être dans la merde. Vous comprenez ? À partir du moment où on va expliquer un comportement de repli et d'anxiété comme étant simplement l'effet d'une anticipation du futur, on est déjà dans le déni de réalité. Et je pense d'ailleurs que, au contraire, aujourd'hui, c'est plutôt la période d'où peut naître un nouvel optimisme, même si cet optimisme va s'accompagner nécessairement d'une période de déstructuration et peut-être même de chaos au niveau social, parce que c'est finalement la seule porte d'entrée qui est offerte aujourd'hui pour un renouveau. Et quand, malheureusement, le renouveau n'a pour condition que le chaos, eh bien certaines personnes vont préférer le chaos. Oui, c'est tous ces mots piégés, ces paradoxes, et on voit très bien, par exemple, que bien que la société soit ultra-libérale, la libre entreprise est quelque chose d'absolument compliqué, voire bloqué par les gouvernements. Voilà, on se retrouve encore une fois avec l'un des paradoxes de la société libérale où on va exalter la liberté individuelle, mais lorsqu'il s'agit de matérialiser cette liberté dans les faits, eh bien c'est pas du tout la même chanson. Aujourd'hui, se lancer dans la libre entreprise, c'est effectivement devenu le parcours du combattant. Qu'est-ce qui permet de l'expliquer ? Eh bien, le fait que, là encore, ce n'est pas la liberté individuelle qui est visée par le libéralisme, c'est plutôt l'illusion d'une liberté individuelle, mais qui aura pour finalité le maintien des privilèges de la caste dominante. On joue également sur cette sensibilité libérale d'une catégorie du peuple, puisque le peuple n'est pas un ensemble totalement homogène et unifié. Bien entendu qu'il y a des comportements individuels ou individualistes au sein du peuple, et d'ailleurs il ne s'agit pas de les juger ou de leur reprocher, bien entendu. Être un auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué, qui peut correspondre à une ambition de réussite individuelle et qui se justifie pleinement. Mais aujourd'hui on parle des entrepreneurs, eh bien on a l'impression que ça constitue tout un ensemble de personnes qui seraient les personnes économiquement dominantes. Et on aime laisser croire aux entrepreneurs qu'ils ne feraient pas partie complètement du peuple, qu'ils auraient quelque chose de plus, qu'ils seraient un peu plus proches des puissants, un peu plus proches de ceux qui exercent le pouvoir. Et si bien qu'aujourd'hui, les auto-entrepreneurs vivent objectivement exactement dans les mêmes conditions que l'employé, l'ouvrier ou l'artisan, mais on veut leur donner l'impression qu'ils valent un petit peu plus, ce qui va permettre d'accentuer les clivages au sein du peuple, d'horizontaliser la lutte en faisant croire que, eh bien, quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas d'intérêt commun avec l'ouvrier ou l'employé, ce qui est totalement faux. Objectivement, ces catégories sociales aujourd'hui sont dans la même situation, mais on va employer les mots qu'il faut et on va jouer sur la sensibilité politique de chacun pour pouvoir créer de nouveaux clivages à l'intérieur du peuple. Charles Robin, et l'amour dans tout ça ? Alors l'amour, c'est une vaste question. Schopenhauer vous dirait que l'amour est une illusion et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il entend par là. Extrêmement pessimiste. Hein. D'ailleurs, vous concluez sur ça. C'est vrai. Dans votre ouvrage. C'est pas innocent de ma part, mais je conclue de manière aporétique, comme le faisait Socrate, de manière interrogative. Chacun va pouvoir se positionner sur le sujet. Alors que disait Schopenhauer ? Schopenhauer disait que l'être humain était un animal parmi d'autres. La seule différence, c'est qu'il possède un intellect. C'est qu'il possède la capacité de se représenter mentalement le monde dans lequel il vit. Mais il n'en est pas moins soumis aux mêmes déterminations que l'ensemble du règne du vivant et du règne animal. L'homme a inventé l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Pour Schopenhauer, c'est le masque social du désir sexuel et de l'instinct sexuel. À quoi sert l'instinct sexuel ? Il sert à assurer la reproduction de l'espèce. Donc l'instinct sexuel et le désir sexuel chez l'homme n'est rien d'autre que le stratagème de la nature pour que la vie puisse se perpétuer dans le temps. Mais évidemment, si on définit les choses comme ça, et peut-être que beaucoup d'auditeurs vont avoir cette réaction, on va trouver ça choquant, on va trouver ça scandaleux de dire « mais finalement, nous ne sommes que des animaux et on ne peut pas considérer que nous ne serions pas, pas supérieurs ou pas différents des primates dont nous sommes censés être une forme un peu plus aboutie ». Bien, pour Schopenhauer, c'est exact. Nous sommes semblables à des primates, mais simplement nous avons la capacité d'en être conscients et c'est quelque chose que nous rejetons absolument. L'amour, c'est le nom que nous allons donner à cet instinct sexuel pour pouvoir le rendre culturellement acceptable. Et au fond, c'est un mensonge, puisque l'homme vit dans le mensonge. Et l'intellect, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à inventer des histoires, c'est la capacité à créer des mensonges qui vont nous permettre de nous sentir peut-être un peu plus supérieurs aux autres, de nous sentir des êtres exceptionnels. Et Schopenhauer ne nie pas que nous puissions accéder à un statut d'exception, mais l'amour n'est qu'une fantaisie, au sens grec d'image, c'est un fantasme, c'est une illusion. En revanche, nous pouvons accéder à une dimension supérieure, et pour lui, ça passe essentiellement par l'art, la contemplation esthétique. Et l'amour de sa patrie, est-il aussi un mensonge ? Alors, si l'amour est une illusion, toutes les variétés de l'amour sont des mensonges. Maintenant, je pense que dans l'amour de la patrie, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour de la communauté. La patrie peut être considérée comme une construction historique, à ce titre artificielle, mais on peut considérer la même chose pour la famille, pour les amis, et même finalement pour les limites de notre planète. Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir si ceux qui se définissent antipatriotes par principe appliqueraient leur rejet de cette communauté nationale à la communauté des terriens, par exemple. Est-ce que le mouvement naturel de la tolérance et de la diversité, eh bien, ce n'est pas d'aimer ce qui existe au-delà des frontières de la Terre ? Et peut-être à ce moment-là qu'il va falloir plaider et œuvrer pour la reconnaissance de la diversité extraterrestre. Dans ce cas-là, je pense qu'on sera dans un véritable libéralisme accompli, un libéralisme qui aura compris sa trajectoire. Donc je demande à tous les libéraux d'extrême-gauche de songer à cette hypothèse. C'est l'hypothèse que développait déjà Ronald Reagan dans les années 80. C'est vrai, et c'est peut-être une hypothèse qui est amenée à se développer dans l'avenir, mais en tout cas, je pense que sans être un fervent défenseur du message christique, je peux quand même retenir la phrase « aimer son prochain comme soi-même », et je pense que dans l'amour de la famille, il y a l'amour du prochain, dans l'amour des personnes qui vivent autour de nous, il y a l'amour du prochain. Dans l'amour de la patrie, il peut y avoir également l'amour du prochain. D'ailleurs, Charles Robin, c'est la fameuse phrase de Rousseau. Je cite « Toute société partielle, quand elle est étroite et bien unie, s'aliène de la grande. tout patriote et dur aux étrangers. Ils ne sont comme, ils ne sont rien à ses yeux. Cet inconvénient est inévitable, mais il est faible. L'essentiel est d'être bon aux gens avec qui l'on vit. Au dehors, le Spartiate était ambitieux, avare, inique. Mais le désintéressement, l'équité, la concorde régnaient dans ses murs. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin, dans leurs livres, des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. Exactement. Ben, je pense que là-dessus, Rousseau illustre exactement ce qu'on était en train de dire. La générosité qui est vantée par la gauche culturelle et la gauche libérale, cette générosité hors frontières, presque hors sol, elle demande d'abord à s'incarner dans les actes quotidiens. Des personnes qui vont vous donner des leçons de tolérance et de générosité, mais qui baissent les yeux et regardent leur téléphone portable lorsqu'ils croisent un mendiant dans la rue. Je pense que avant de donner des leçons de tolérance, ils ont d'abord un travail à faire sur eux-mêmes et leurs propres contradictions. Défiez-vous de ces cosmopolites, disait Rousseau. Effectivement, on pourrait aujourd'hui trouver la formule assez choquante, puisque c'est encore une fois un mot extrêmement connoté, un mot qu'on ne peut pas employer sans être soupçonné ou taxé de pensées nauséabondes, et vu que c'est l'heure la plus sombre, eh bien, nous pouvons l'employer. On est dans le thème. Voilà. Rousseau, ici, illustre parfaitement le fait que la communauté, c'est quelque chose d'organique et c'est quelque chose qui se vit au quotidien par les actes. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre du concept, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la pensée abstraite. Nous sommes dans une société qui privilégie énormément l'abstraction, la pensée déterritorialisée, la pensée hors sol. Et rappeler un petit peu peut-être de bon sens, le sens pragmatique, le sens pratique, c'est-à-dire le bon sens qui s'incarne dans la vie de tous les jours et dans nos actions concrètes, je pense que c'est absolument nécessaire. Charles Robin, nous arrivons au terme de cette émission. J'aurais envie de vous dire, le temps passe vite. C'est l'une des phrases que vous analysez. Qu'est-ce que le temps ? Voilà, ça nous renvoie à des questions philosophiques essentielles, fondamentales. Mais d'ailleurs, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler au cours d'une prochaine émission, Charles Robin. Peut-être, ce serait un plaisir de vous recevoir à nouveau. En tout cas, ce fut un plaisir d'avoir discuté avec vous aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que donc, votre livre, dont nous avons parlé pour la moitié de cette émission, « Tous philosophes, tome 1 », est disponible où d'ailleurs, Charles Robin ? Alors, il est disponible directement sur mon site internet, charles-robin.fr, puisque c'est un livre auto-édité. Donc, vous pouvez sinon le trouver sur le site thebookedition.com, je crois. Et sinon, vous tapez tous philosophes Charles Robin sur Google et vous devriez le trouver assez facilement. 9,90€ pour 134 pages. Charles Robin, je le dis à nos auditeurs, c'est vraiment un livre très didactique, très intéressant, qu'on lit rapidement et qui est agréable à lire et qu'on peut d'ailleurs prendre par n'importe quel bout. Hein, on n'avait pas de... Donc vraiment un livre que je conseille. Charles Robin, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Si Dieu veut. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Philippe Guepp. Son album Le Retour du Roi est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Les Américains. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. lutte de napalm à Saigon, vapeur de chaos au Laos, pour le Chili des crucifix, aïe aïe Somalie, Bosnie-Herzégovine, J.I.R.N. en Afghanistan, à l'attaque en Irak, à la semaine en Ukraine. Toujours nous faire et nous refaire la guerre. Les Américains. Qui vient? Les Américains. Les Américains. Powerful manifestation of America's commitment to human freedom. This was Democracy's Beachhead. This was Democracy's Beachhead. And our victory in that war decided not just a century, but shaped the security and well-being of all posterity. This was Democracy's Beachhead. Wave after wave of young men boarding those boats to liberate people they had never met.